Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Hitler 1933, à l'assaut de la démocratie. Le 28 février 1933, le journal L'Ouest éclaire. Titre en grosses lettres, le Reichstag en flammes. L'incendie allumé par une main criminelle a détruit entièrement la salle des séances. Un communiste a été arrêté. Et le journal précise qu'à Berlin, la nouvelle de l'incendie s'est répandue comme une traînée de poudre. Et en effet, la situation est explosive. Hitler est arrivé au pouvoir quelques mois plus tôt. L'ambassadeur de France en Allemagne de 1931 à 1933 est André-François Poncet. Il assiste à l'ascension d'Hitler. Écoutez son témoignage sur le personnage. Je ne pense pas qu'il avait une intelligence déductive puissante. Il n'avait non plus, une grande culture. C'était un homme qui avait une culture d'autodidacte. Il était plus un homme d'action qu'un homme de méditation. Il avait lu des dictionnaires et des comptes rendus de volume, puisqu'il n'avait lui-même sérieusement étudié. D'ailleurs, il a dû quitter le gymnase après la classe de 3e. Il n'a jamais dépassé la classe de 3e au gymnase. Mais tout de même, il a eu des intuitions assez étonnantes qui lui ont permis des audaces que d'autres n'auraient pas eues à sa place et qu'on lui déconseillait. André-François Poncet, qui s'exprimait juste après la Seconde Guerre mondiale en 1946 sur son expérience d'ambassadeur de France en Allemagne. Bonjour Hélène Camarade. Bonjour. Dans cette histoire-là, il faut quand même rappeler un peu cette chronologie très fine de l'année 1932, la fin de l'année 1932 et le début de l'année 1933. Les nazis ne prennent pas le pouvoir par la force. C'est une étape qui s'inscrit dans un processus démocratique. À quel moment voit-on les nazis apparaître dans le champ politique? À quel moment ils sont présents au Parlement? Alors les nazis, effectivement, ont une approche lente pour arriver au pouvoir, mais assez organisée. Ils cherchent à accéder au pouvoir de manière légale, et donc ils vont jouer le jeu de la démocratie tout en critiquant la démocratie. Ils vont donc se présenter aux élections de façon régulière, faire campagne de façon, je dirais, traditionnelle, par le biais de meetings, grâce à leur presse, et essayer de gagner des voix sur un électorat qui est extrêmement divisé, morcelé, et qui hésite beaucoup parce qu'on est dans une période de grande crise, crise économique, crise morale, crise sociale. Et donc effectivement, les nazis, répondent aux attentes, aux difficultés de la population et tiennent un discours aussi extrêmement radical, antisémite, anticommuniste, et attaque aussi la démocratie parlementaire de Weimar, par laquelle ils vont cependant arriver au pouvoir. Peut-on dire que l'échec du putsch de Munich en 1923, ça a bien montré que ce n'était pas possible de prendre le pouvoir par la force et qu'une nouvelle voie est choisie, sans abandonner l'ancienne malgré tout, j'imagine que ça reste en tête, et sans abandonner tous les idéaux. C'est aussi ça, c'est vraiment de la stratégie, utiliser la démocratie, peut-être pour détruire la démocratie. Oui, effectivement, ça se rétrospectivement, on peut vraiment mesurer les étapes de cette stratégie qui les amène au pouvoir par la voie parlementaire, par la voie des élections. Donc ils vont progressivement gagner des voix aux élections nationales et essayer donc de s'imposer dans le champ politique. Vous venez de dire rétrospectivement parce que vous êtes historienne, Hélène Camarade, vous êtes professeure des universités en études germaniques à l'université Bordeaux-Montaigne, et bien sûr, c'est la démarche de base de l'historien, de l'historienne, de ne pas analyser ce qui se passe à cette fin d'année 1932, début d'année 1933, parce qu'on connaît la suite. Si on se place en 1932 et encore en début 1933, bon, c'est encore une démocratie en Allemagne, c'est la République de Weimar. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, les élections, alors, elle, c'est une démocratie qui a qui ne fonctionne pas très bien. Le système parlementaire, on a du mal à avoir des majorités parlementaires au Parlement, donc on re-vote régulièrement, et c'est aussi cette succession de votes et ce morcellement des voix avec de très nombreux partis au Parlement qui explique aussi ces problèmes parlementaires qui expliquent l'arrivée donc aussi des voix nazies. On a sur l'année 1932 plusieurs élections, les élections présidentielles tout d'abord au printemps, où on voit s'opposer finalement trois grandes figures, hein, Hindenburg qui est le président et qui est ce vieux monarchiste qui s'est retourné vers la démocratie et qui la défend malgré lui, hein, je dirais, et qui incarne cette droite traditionnelle, les nationaux conservateurs, Ernst Thälmann, qui est le leader communiste, et donc Hitler, ce personnage qui vient d'émerger dans le paysage politique. Et donc les élections se passent autour de ces trois personnages. Hindenburg réussit les élections, enfin gagne les élections, et ensuite ont lieu encore deux élections parlementaires, l'une en juillet et l'autre en novembre 1932. Et c'est cette succession d'élections qui voit monter les voix accordées au national-socialisme. Alors, victoire éclatante, hein, c'est sûr, aux élections de juillet 1932. On peut nuancer un petit peu, hein, pour novembre déjà, ça commence à se tasser, dirons-nous. Tout à fait. Et il est important quand même de se rappeler que les nazis n'obtiendront jamais que 37% des voix. Hein. C'est le meilleur score qu'ils obtiendront, puisque Hitler auparavant n'avait pas atteint ce score-là. Hein. Il était 36%. On est à 37% aux élections parlementaires de juillet 32. Ce sera le meilleur score des nationaux socialistes, qui perdent des voix quelques mois après, en novembre, puisque ils vont retomber à 33%. Et on voit au contraire le parti qui est un petit peu leur tête de turc, hein, le parti communiste, qui lui gagne des voix à ces deuxièmes élections, à ces élections de novembre, donc 32. Voilà, il faut faire le panorama de ce monde politique de la République de Weimar. Bonjour Agathe Bernier-Monod. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en études germaniques à l'université Le Havre-Normandie. Oui, ça vient d'être dit, hein, il y a quand même, quand on a une lecture simpliste de ce monde politique, deux partis rivaux, ce sont les nazis d'un côté, les communistes de l'autre. Mais il n'y a pas que ça en fait, il y a quand même ceux qui sont des démocrates et qui soutiennent la République. Alors bien sûr, alors il y a un paysage politique pendant la République de Weimar qui est très diversifié, donc de très nombreux partis. Ce qu'il faut dire, c'est qu'une minorité de partis est pro-républicain. En fait, il y a trois camps politiques principaux qui soutiennent la République, qui sont les sociaux-démocrates. Donc le SPD, le Parti social-démocrate, c'est véritablement le pilier du système démocratique weimarien. C'est le parti qui a porté la Révolution de novembre et qui a proclamé la République en 1919. Il y a également donc le centre catholique qui est favorable à la République, et aussi le camp libéral. Cependant, en fait, à partir de la fin des années 20, on observe une érosion très forte du centre. Le centre catholique et le camp libéral voient leur base électorale s'effondrer. Et ils répondent à cet effondrement par une radicalisation vers la droite et par un tournant nationaliste. Donc, ces deux partis sont amenés quelque part à relayer aussi des idées qui sont portées par le parti nazi. Et puis il y a cette figure, hein, du président du moment, on l'a cité déjà, c'est Hindenburg, c'est un personnage complexe, hein, mais c'était une sacrée figure, c'est pas rien quand on dit ce nom-là, c'est une histoire allemande qui apparaît devant nous, il est impressionnant d'ailleurs avec sa grande moustache. Alors Hindenburg est effectivement, comment dire, on parle de culte de la personnalité pour Hitler, mais Hindenburg est une des premières figures allemandes qui bénéficie d'un culte de la personnalité très important. Il jouit d'un prestige immense aux yeux de la population allemande. Et Hindenburg n'est pas un démocrate. En fait, il est monarchiste, comme l'a dit Hélène Camarade. Ça explique aussi sa décision, le 30 janvier 1933, de nommer Adolf Hitler à la chancellerie. Parce que c'est ça, hein, c'est une nomination. Alors là, c'est pour un rappel un petit peu constitutionnel de ce qui se passe en Allemagne à ce moment-là. Donc, on a un président qui est élu, on l'a bien entendu. Évidemment, des députés qui sont élus. Et le chancelier, lui, est nommé par le président selon la majorité à la Chambre. C'est un peu ça. Alors oui, généralement, donc c'est effectivement... Donc c'est le chancelier qui nomme... Pardon, c'est le président du Reich qui nomme le chancelier... Et généralement, le chancelier représente le parti qui a eu le plus de sièges au Reichstag. Mais il a le plus de sièges alors en tant que nazi? Bah oui, parce que c'est un parlement très divisé, c'est ça. Il n'a pas la majorité absolue, mais le parlement étant divisé, c'est lui qui est là comme un personnage essentiel. Est-ce qu'on connaît les motivations du président Hindenburg au moment de nommer Hitler? Pourquoi lui? Parce que c'est quand même pas rien, Hitler. Alors, ce qu'on trouve généralement dans l'historiographie, c'est l'idée que Hindenburg méprisait Adolf Hitler. Il ressentait un mépris de classe pour lui, puisqu'il était issu de la petite bourgeoisie. Il avait aussi un peu de xénophobie vis-à-vis de cet Autrichien. Mais Hindenburg, comme la classe dirigeante allemande, sous-estimait largement Hitler. L'idée qu'on trouve, c'est que on supposait, le camp bourgeois, libéral, et national-conservateur, supposait qu'on pourrait domestiquer Hitler. Et qu'on pourrait, en le plaçant dans un gouvernement où il y aurait d'autres ministres nationaux conservateurs, le contrôler. Et que très rapidement, l'aura d'Hitler s'émousserait en exerçant le pouvoir. Oui, parce que c'est un classique, ça. C'est vrai que confrontés au pouvoir, ceux qui font beaucoup de bruit dans les coulisses, d'un seul coup, paraissent beaucoup plus faibles. Hélène Camarade, quelle est votre lecture, vous? C'est quelque chose qu'on entend très souvent, hein. Hitler a été porté au pouvoir par des élites dominantes, et notamment des élites qui possèdent, hein, les gens qui ont besoin de lui pour maintenir, sécuriser leurs acquis et leurs avoirs. C'est sûr, Hitler arrive au pouvoir, ce n'est pas prévisible en fait. C'est-à-dire que c'est un concours de circonstances aussi. Hindenburg prend cette décision en ayant beaucoup hésité avant de le faire. A-t-il d'autres options? Il est pris aussi dans une situation personnelle. Enfin voilà, il prend cette décision. Mais effectivement, tout le camp national conservateur pense à l'époque qu'on pourra l'encadrer. On parle de la théorie de l'encadrement ou de la domestication, c'est-à-dire en fait on va le poser là, c'est un tribun, il va pouvoir occuper cette place, rassembler autour de sa personne, mais nous garderons le pouvoir et nous pourrons l'instrumentaliser. Et c'est là effectivement la plus grande erreur, c'est d'avoir pensé à ce moment-là pouvoir donner cette place à Hitler et pouvoir continuer à l'encadrer, c'est-à-dire en fait, et ce qui va complètement échouer, effectivement. Est-ce qu'on peut évoquer le Parti communiste? Est-ce qu'il y a la peur du Parti communiste qui peut expliquer le fait que Hitler soit nommé au pouvoir? Parce que, vous vous rappelez, ce contexte des années 1930, c'est l'URSS, et c'est l'URSS des années 1930. C'est un moment qui est assez récent, en fait, cette histoire-là du communisme. Donc, c'est très porteur, il y a des mouvements très forts encore en Allemagne. C'est ça, la peur du communisme aussi, qui pousse Hitler? Oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, ça explique aussi que le NSDAP, donc, qui naît en Bavière, soit soutenu financièrement par des grands industriels, qui voient donc justement dans ce petit parti naissant le meilleur rempart contre le mouvement ouvrier, contre le marxisme. Voilà, le NSDAP, le Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands, donc tout simplement les nazis. Et puis, un contexte aussi beaucoup plus large, vous l'avez évoqué, Hélène Camarade, c'est cette crise économique, celle que l'on connaît parce que elle naît à la toute fin des années 1920, en 1929, par un krach boursier, mais qui a des conséquences énormes. Pour l'Allemagne, c'est très difficile là aussi. Oui, oui. Le taux de chômage est vraiment très, très fort, important. Beaucoup de misère, beaucoup de familles en grande difficulté. Et il y a effectivement une radicalisation qu'on peut percevoir dans la rue, une violence qui devient de plus en plus présente dans la vie quotidienne des gens, avec des combats de rue. Donc on sent effectivement, la tension est extrêmement forte dans la société. Et on peut voir régulièrement des combats de rue entre jeunesse hitlérienne et puis, enfin pas jeunesse hitlérienne, mais les SA et les jeunesses communistes qui donc se donnent le coup de poing. Donc il y a une radicalisation permanente. Et effectivement, ce qui joue, vous l'avez dit, c'est aussi le fait qu'entre entre juillet 32 et novembre 32, les communistes gagnent quelques voix. C'est aussi ce qui va inquiéter le camp conservateur et le camp de sur l'automne et l'hiver 32-33. C'est une histoire qui s'écrit au son du tambour. Témoignage de l'écrivain Günter Grass. « Il y avait déjà une sorte de service du travail obligatoire pour les chômeurs assistés en fin de droit. Chez nous, à Remscheid, ils devaient bosser pour construire la route du barrage. Mon père aussi, puisqu'on vivait de l'assistance. Et comme les chevaux coûtaient trop cher, on attelait une vingtaine d'hommes devant un rouleau qui pesait des tonnes et à il fallait qu'ils tirent. Je n'avais pas le droit d'aller voir parce que mon père, qui avait été mécanicien qualifié, aurait eu honte devant son fils. Mais à la maison, je l'entendais pleurer quand il était couché dans le noir avec maman. Elle ne pleurait jamais. Seulement, peu avant la prise du pouvoir par Hitler, elle disait tout le temps « Ça ne peut pas devenir pire que ça. » Singen wollen wir marschieren in die neue Zeit. Adolf Hitler soll uns führen, wir sind stets bereit. Links und rechts und links. Une lecture de Mon siècle de Günter Grass par Alexandre Manzanares dans le cours de l'histoire sur France Culture. C'est ça aussi, c'est début des années 1930 en Allemagne. Ce sont ces tiraillements absolus. Alors, on les évoque, hein, ces tiraillements politiques. La peur du futur aussi, économiquement, on le sent dans le témoignage de Günter Grass. C'est une période de violence, violence politique et violence sociale aussi. On peut pas les séparer pour comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Agathe Bernier-Monod, les choix sont extrême. On le sent très bien. Est-ce que dans un moment de crise sociale, je vais être communiste ou nazi, quoi ? C'est pas pareil, hein ? Oui, disons qu'effectivement, ce chômage de masse entraîne une très grande détresse sociale qui profite effectivement au parti communiste, puisque le parti communiste effectivement est très répandu dans le milieu ouvrier et propose des réponses. Il y a aussi des syndicats qui sont très présents. Il y a une forme de solidarité, d'accueil des chômeurs. Et puis le parti nazi aussi récupère donc une partie de ces personnes qui sont désespérées. Donc par exemple, la SA propose pour toute personne qui entre dans ses rangs, de toucher un marque par jour, de porter un uniforme, d'être nourri et logé. Donc il y a une récupération politique de cette crise sociale. Voilà, la SA, hein, c'est section d'assaut, c'est une organisation paramilitaire aussi très forte. Mais dans cette idée de réponse, alors c'est vrai que les réponses du côté communiste, on les imagine, on voit bien, c'est renverser le capitalisme, etc. Y a-t-il des réponses du côté nazi ? Là, ce que vous venez d'évoquer avec les SA, c'est une aide, un soutien aux plus pauvres. A-t-on des réponses ou plutôt a-t-on des accusations contre les responsables de tout cela, Hélène Camarade, parce que c'est ça qui est le terreau du discours d'Hitler, c'est accuser les responsables de toutes les catastrophes. Bien sûr, un discours de haine qui se dirige vers des groupes, hein, donc les Juifs sont évidemment présentés comme responsables, donc il y a une diabolisation, un discours vraiment très hostile et très haineux envers ce que les nazis appellent les marxistes, hein, et qui englobe aussi à certains égards les sociodémocrates, hein, donc tout ce camp, alors démocratie parlementaire, hein, donc on a vraiment le discours nazi se construit effectivement sur la création donc d'ennemis qui sont donc néfastes au peuple dit allemand, et qu'il faut donc éliminer, mettre hors d'état de nuire, ou voilà. Donc il va y avoir toujours un discours extrêmement agressif, et le discours nazi se construit aussi toujours sur l'idée qu'il faut se défendre, en fait, que le peuple allemand, hein, est attaqué et qu'il faut donc défendre le peuple allemand contre les menées communistes, socialistes, social-démocrates et juives, évidemment. Donc il y a cette création évidemment à l'étranger, hein, tous les pays étrangers hostiles à l'Allemagne. On est évidemment aussi sur le terreau de l'après-traité de Versailles, hein. Donc toute cette blessure, hein, de la Première Guerre mondiale et les conséquences de la Première Guerre mondiale. Donc c'est sur ce terreau de haine, avec un vocabulaire extrêmement haineux et extrêmement agressif, que les nationaux-socialistes construisent leur réponse, je dirais. Le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier. Le gouvernement, son gouvernement, ne comprend pas tant de nazis que ça. C'est pas un gouvernement nazi, hein, vous l'avez dit, Agathe Bernier-Monod, c'est un gouvernement de coalition. Je vous posais une question qui est sans doute difficile, tant la chronologie est courte et tout se passe très vite. Est-ce qu'il a essayé de faire quelque chose quand il arrive au pouvoir? Est-ce qu'il a des mesures, des réformes? Est-ce qu'il essaye d'appliquer un programme? En fait, très rapidement, hein, quelques jours après, le 2 février, il tient un discours qui, à l'époque, est peu connu, hein, mais on aura une trace par un des officiers qui va garder trace de ce discours. Et Hitler explique son programme, effectivement, qui est un programme extrêmement ambitieux concernant la politique intérieure, la politique extérieure, etc. Et qui, à certains égards, annonce un petit peu ce qui va se passer par la suite. Mais évidemment, en quelques jours, on en est encore à la mise en place en fait de son gouvernement. Agathe Bernier-Monod. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que donc effectivement les nationaux socialistes sont en minorité dans le gouvernement. En fait, le gouvernement est composé principalement de membres du Parti national populaire allemand, qui est un parti anti-républicain, d'extrême droite également, monarchiste. Mais en fait, le parti nazi a des postes clés, puisque les deux autres ministres qui sont au gouvernement avec Adolf Hitler sont Wilhelm Frick, qui est ministre de l'Intérieur du Reich, et Hermann Göring, qui est ministre prussien de l'Intérieur. Donc les nazis contrôlent la police, oui. Ce qui est essentiel pour la suite. Et c'est important de le rappeler ça. 30 janvier 1933, Hitler nommé chancelier. Oui, mais moins d'un mois plus tard, un incendie change la donne. 20h30, dans le Reichstag. Le député communiste Ernst Orgler achève une réunion avec d'autres membres du parti. Avant de se rendre au restaurant Aschinger, près de la gare de Friedrichstrasse. Il est le dernier parlementaire à quitter les lieux. 20h45, l'éclairagiste effectue sa tournée dans le bâtiment. 5 minutes plus tard, le postier termine la sienne. À l'intérieur du Reichstag, tout est calme. Dans une heure, la garde de nuit débutera. 21h05. Hans Flöter, un étudiant en théologie, sorti de la bibliothèque, passe aux abords du Parlement. À l'étage, un homme est en train de casser une vitre. Dans l'obscurité, il le voit à peine. Il porte peut-être un chapeau ou une casquette. Ils sont les premiers témoins à voir des flammes depuis l'extérieur du bâtiment. Un extrait du documentaire « L'incendie du Reichstag, quand la démocratie brûle ». Un documentaire diffusé sur Arte, quelle belle chaîne, et disponible sur Arte TV. Un documentaire de Michael Gamrasny. Mais vous êtes là, Michael, bonjour. Bonjour. C'est une enquête que vous avez réalisée autour de l'incendie du Reichstag. Donc juste déjà, peut-on rappeler les événements? C'est un incendie dans un bâtiment Kefar, c'est celui qui abrite, j'ai envie de dire, le cœur de la démocratie, c'est là où se trouvent les députés. Ça surprend tout le monde, évidemment. Un incendie important, hein, c'est pas juste un petit incendie dans une pièce. Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, ce qui est important, c'est que c'est un bâtiment évidemment central dans la démocratie allemande. C'est quand même celui dans lequel a été proclamée la République de Weimar, hein, depuis une fenêtre. C'est quand même ce bâtiment central, celui que les nazis, on en a parlé, cherchent à conquérir par les urnes depuis plusieurs années. En tout cas, voilà, sur ce plan-là, c'est vraiment un bâtiment central. Et au-delà de tout ça, il incarne symboliquement donc la République, la démocratie allemande. Donc le voir brûlé en une nuit du 27 février 1933, c'est quand même pas rien. Et effectivement, il est complètement, enfin en tout cas, la salle plénière en elle-même est complètement dévastée. Le bâtiment lui-même, il n'est pas complètement détruit. Hein. D'ailleurs, l'extérieur, on le voit bien, il est toujours là, on le repère. Ce qui a le plus souffert, c'est vraiment cette salle plénière, donc vraiment l'endroit même où se font les débats parlementaires, l'endroit même où quelques années avant, quelques mois avant même, les députés nazis et les députés communistes, par exemple, en particulier, s'affrontaient. Et dans le film que j'ai réalisé, on trouve aussi, j'ai mis des extraits sonores de ces affrontements qui sont des affrontements parfois sous la forme de chants, sous la forme d'anathèmes, etc. Et donc, concrètement, ce bâtiment incendié, cette salle plénière incendiée, elle symbolise en elle-même quelque chose qui est du registre de la chute déjà de cette démocratie. Et pourtant, la démocratie ne s'effondre pas avec l'incendie en lui-même. Elle va s'effondrer, cette démocratie, progressivement. Et c'est ce que le film essaie de montrer. Et parce que tout de suite, la question qui se pose lors d'un tel incendie, et c'est vrai que quand on voit la photographie du bâtiment brûlé, toute la partie en pierre reste, est abîmée, mais ce dôme qui abrite la salle est détruit. Et ça, c'est très fort parce que on le voit, mais la question c'est mais qui a fait ça? L'enquête, évidemment, commence tout de suite après l'incendie. Ça donne quoi? Alors, c'est vraiment assez étonnant, en tout cas pour quand je me suis penché sur ce sujet, j'ai été assez surpris par tout ça. Donc l'enquête, elle a lieu, on trouve immédiatement quelqu'un à l'intérieur du Reichstag, au milieu des flammes, un certain Marinus van der Lubbe qui est néerlandais, qui a 24 ans, qui est chômeur, qui est à demi aveugle, ce qui est quand même assez étonnant à l'intérieur de ce bâtiment. On se demande comment il s'est retrouvé à l'intérieur de ce bâtiment. Et donc voilà, ce personnage-là va se retrouver là. C'est lui qu'on va évidemment à qui on va faire porter toute la responsabilité de l'acte tout de suite, mais pas seulement. Et c'est là justement où on rentre dans quelque chose de qui est du registre du prétexte utilisé par les nazis, mais immédiatement, dans la nuit, les nazis et Hitler lui-même, on a un journaliste présent qui rapporte sa phrase, considère que les communistes sont les responsables de cet acte. Et donc, on a effectivement tout de suite l'arrestation de milliers de communistes en une nuit, puis 45 000 dans les jours qui suivent, puis au total, on va arriver vraiment à quasiment 100 000 dans les camps communistes et pas que d'ailleurs dans les mois qui suivent. Donc vraiment, cette personne-là, qui est la seule trouvée sur place, va incarner quelque chose qui va être majeur, mais le prétexte, en tout cas, est immédiatement utilisé par les nazis. Voilà. Oui, ça c'est très important de le rappeler parce qu'il y a deux histoires qui s'écrivent exactement au même moment. L'enquête pour savoir qui est responsable de l'incendie du Reichstag et les réactions du pouvoir, en l'occurrence c'est du chancelier Hitler. Hélène Camarade, c'est vraiment ça, c'est immédiatement le pouvoir, sans même avoir les résultats de l'enquête, disons-le clairement, cible les communistes. Ce sont les communistes, donc il faut les arrêter. Mais Michael Gamrasny a évoqué ce mot de camp, c'est-à-dire que dès le moment 1933, il y a l'idée, on va mettre dans des camps tous les opposants. Alors, on va effectivement, Hitler le soir même hein, va dire c'est une action communiste. Hein, c'est évidemment les communistes qui veulent renverser, voilà, qui ont fait cette action. Et effectivement, assez rapidement, on va mettre les opposants politiques en camp. Les camps de concentration sont mis en place les premiers au mois de mars, hein, juste après, le camp d'Achau, hein, d'Arau, en banlieue de Munich, et celui d'Oranienburg, en banlieue de Berlin, effectivement, sont tout de suite mis à contribution pour... alors, certains sont d'abord mis en prison, hein, mais ensuite, on va les mettre en camp de concentration. Les premiers camps de concentration accueillent effectivement des Allemands opposants au nazisme. Agathe Bernier-Monod, je ne vais pas vous poser une question d'histoire-fiction, mais enfin, c'était possible dans l'argument porté par Hitler, que les communistes puissent faire une révolution. Au sens où il parle à une partie de la population, on l'a évoqué, des élites dominantes, qui craignent cela, en fait. Ils craignent une révolution communiste. Donc, il sait toucher là où bah, il va être entendu. Oui, effectivement, c'est un récit qui pouvait sembler plausible. Ce qui est assez intéressant dans ce récit et dans la réaction nazie, c'est que le pouvoir nazi détestait le Reichstag. Et détestait le parlementarisme. Donc il y a énormément d'hypocrisie dans ce mouvement d'indignation donc des dirigeants nazis qui, justement, sous ce prétexte de l'incendie du Reichstag, font emprisonner tous leurs opposants. Et ce qui est intéressant aussi dans cette réaction, donc ces arrestations massives, et puis ensuite le décret de l'incendie du Reichstag, c'est que les nazis ont toujours besoin d'un prétexte et d'une façade légale pour justifier, en fait, leur conquête du pouvoir, pour justifier les violences et les exactions qu'ils commettent. Et ce mécanisme, en fait, l'historien Heinrich August Winkler l'explique par le fait que les nazis avaient besoin d'une apparence de légalité pour s'assurer la loyauté de l'appareil étatique. En fait, ils avaient besoin de la loyauté des hauts fonctionnaires pour que l'État continue à fonctionner. Et pour pouvoir en même temps désarmer leur adversaire. Donc en l'occurrence, pas tous les opposants, puisqu'il n'y a pas seulement des communistes, il y a aussi des journalistes, des artistes, des intellectuels qui sont arrêtés cette nuit-là. Et la rapidité de la réaction montre que tout cela avait été préparé, et qu'ils avaient des listes avec des adresses où aller arrêter les gens. Ah, c'est très fort ce que vous venez de dire là, parce que cette fois-ci, on peut regarder du côté de l'enquête. Du côté de l'enquête, c'est vraiment qui a fait ça. Donc les communistes selon Hitler, mais j'imagine que les communistes, eux, vont dire autre chose. Laissons la parole à un journaliste qui imagine ce soir du 27 février 1933. Au soir du 27 février 1933, le Reichstag est en feu. Ces députés mis en congé depuis le 30 janvier, jour où Hitler a été nommé chancelier du Reich, le Parlement allemand n'est pratiquement pas protégé. Est-ce l'occasion que saisissent les nazis pour incendier le vénérable monument afin d'attribuer la responsabilité de cet acte aux socialistes et aux communistes contre lesquels, le lendemain, Hitler prendra des mesures draconiennes. Mais le hasard l'a bien servi. La police a arrêté sur les lieux de l'incendie un Hollandais de 24 ans, Marinus van der Lubbe, un peu faible d'esprit, un peu pyromane et surtout ancien communiste. La haute cour de Leipzig le condamne à mort, il est exécuté en janvier 1934. Rien n'est clair dans cette histoire. Et si van der Lubbe n'a pas incendié le Reichstag, il figure dans l'histoire comme un malade dont les puissants du moment ont utilisé la démence à des fins politiques. Nous sommes bien plus tard, nous sommes en 1980 quand Pierre Bourget, le journaliste, est là. En 1933, ce soir du 27 février, et qui évoque tout de suite l'hypothèse que non, ce ne sont pas les communistes, que c'est un complot. Michael Gamrasny, c'est vraiment cela, dès le début, se dire bah, qui a fait ça, c'est tellement dans l'intérêt des nazis que c'est sans doute les nazis. Oui, c'est ça, la question, c'est à qui profite le crime au final, hein. Donc oui, les nazis profitent largement de cette situation. Et d'emblée, dès la suite de l'incendie, on va les mettre en accusation, évidemment. Donc eux vont mettre en accusation les communistes, vont parler d'un complot communiste. Comme ça a été très bien dit, les nazis sont dans une logique de victimisation permanente. Et en fait, cet incendie fait partie de tout ça, fait partie de ce storytelling, on dirait aujourd'hui. Et concrètement, ils accusent donc les communistes, mais les communistes ne se laissent pas faire, et particulièrement à l'international, puisque ceux de l'intérieur ont été quand même largement... On a été largement enfermé dans ces fameux camps, qui sont d'abord des camps sauvages, et à l'international, donc on a une résistance qui va s'organiser. D'ailleurs, un des personnages qui va être majeur dans cette résistance à l'extérieur, c'est Willy Münzenberg, qui est un député communiste lui-même, et qui va en fait chercher des appuis auprès de proches de Staline, notamment Otto Katz, et qui va lancer vraiment une contre-propagande pour mettre en avant la responsabilité nazie. Il y a une véritable enquête qui va se dérouler en parallèle de l'enquête menée elle-même par les nazis, qui elle-même est complètement viciée. Hein. On voit notamment, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est assez intéressant de constater que, évidemment, dans la nuit même, on arrête les communistes. Et il se trouve qu'effectivement, Rudolf Diels, qui était le responsable de la Gestapo, qu'on appelait encore le département 1A, va constituer des listes avant même l'incendie du Reichstag. Donc, on a déjà cette constitution de listes d'opposants, et la nuit de l'incendie du Reichstag, forcément, les arrestations sont très rapides. Et l'enquête côté nazi va se produire de la même manière, c'est-à-dire qu'on va demander à certaines personnes, notamment l'inspecteur de police Walter Zirpins, de fournir les preuves que ce sont les communistes qui ont fait le coup, de dire que Marinus van der Lubbe est bien un communiste, qu'il est bien en lien avec d'autres communistes, ce que d'ailleurs lui-même, au moment du procès, va contester, c'est-à-dire lui-même ne va même pas s'affirmer communiste. Donc on est dans cette chose assez ubuesque, où les nazis ont déjà affiché la responsabilité des communistes, et où les policiers en charge de l'enquête, qui sont maintenant sous les ordres des nazis, doivent impérativement fournir les éléments qui vont permettre de effectivement attester ce que les nazis ont déjà affirmé. Voilà. Et donc côté communiste, effectivement, à l'international, c'est vraiment la logique inverse. On va pointer du doigt les nazis, on va chercher tous les éléments de preuve, on va pointer notamment certains éléments vraiment très troublants, notamment la présence, par exemple, d'un tunnel qui relie le Reichstag, le palais du président du Reichstag, c'est-à-dire le palais de Göring, au Reichstag lui-même. Et on peut se poser la question de comment, finalement, cet incendie a pu avoir lieu dans cette ampleur. Avec une seule personne sur place, donc très vite on va mettre en accusation les nazis, un groupe de nazis, et qui serait peut-être passé par ce tunnel, et en tout cas l'information sort très vite. Ouais, Göring, qui est à la tête du Reichstag en tant qu'élu, hein, a un palais qui communique directement. Ah, d'accord, ok, donc on voit tous ces éléments se mettre en place. Pour évoquer quand même ces sources, parce que dès qu'il est question d'événements historiques aussi importants, on aimerait bien savoir les sources, mais là, elles sont impressionnantes. Hein, Michael Gamrasny, vous avez disposé de sources folles, vous les évoquez, hein, toutes ces enquêtes différentes. C'est-à-dire que là, il faut évoluer, et plutôt dans le sens de la confrontation des sources plutôt que de la recherche de la source. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'évidemment, intuitivement, la plupart des gens qui connaissent l'histoire du Reichstag pensent que c'est évident, les nazis ont fait le coup, et voilà. Le problème, c'est que l'historiographie n'est pas du tout aussi nette, et on est plutôt dans une vraie discussion historiographique sur la question, parce qu'on a évidemment un manque de preuves flagrantes, mais voilà, on a un très fort faisceau de preuves qui permet d'avoir de mettre en avant des éléments, mais voilà. Et les archives, elles sont aussi gigantesques. C'est vraiment des archives qui sont immenses. Et ça explique aussi sans doute une partie du problème. C'est qu'il faudrait vraiment tout consulter, refaire complètement l'enquête de A à Z pour arriver. Et certains historiens l'ont fait. Donc depuis les années 2000-2010, notamment Barr et Kugel, qui sont des Allemands. Et puis Benjamin Carter Hett, qui sont repartis effectivement dans les fonds d'archives et qui sont allés chercher tout ça. Et effectivement, quand on met en bout à bout beaucoup d'éléments, on se rend compte que quand même, la responsabilité peut assez clairement être étayée. Et voilà. Donc, et en plus de toutes ces sources, qui sont des sources archivistiques liées au procès, puisqu'il va y avoir un procès, donc des incendiaires présumés du Reichstag, eh bien, il y a aussi quelque chose d'extraordinaire que j'ai utilisé pour mon film, qui sont donc ces sonores du procès, puisque le procès devient l'un des premiers procès médiatiques de l'histoire, peut-être même le premier, un procès dans lequel on enregistre tout. Voilà, c'est-à-dire que le procès va durer 3 mois et demi, et pendant ces 3 mois et demi, moi, sur la totalité, il n'y a que 20 jours d'enregistrement que j'ai pas réussi à retrouver, voilà. Mais la totalité a quasiment été enregistrée, et bizarrement, certains moments un peu gênants n'ont pas été enregistrés. Par exemple, confrontation entre Marinus van der Lubbe et un chef de l'ASA qui s'appelle Eldorf. Donc cette partie-là n'a pas été enregistrée. Alors heureusement, on dispose aussi des retranscriptions écrites du procès, donc qui existent. Mais voilà, on a vraiment cette source-là, qui est une source très importante, qui s'ajoute évidemment aux sources d'archives de la police, aux sources d'archives des juges. Les juges ont très bien fait leur travail, au sens où ils ont beaucoup compilé, en fait, d'informations pour essayer de démêler le vrai du faux. Malheureusement, ils ne sont pas vraiment allés au bout de la logique, puisque très vite, voilà, le procès devait s'arrêter. Voilà. Et à toutes ces sources, j'en rajoute une. Elle date de 1933, du mois de septembre. C'est maître Vincent de Moreau Diaferi qui accuse, vous allez vite l'entendre. Et vous, mes confrères allemands, vous qui aurez l'honneur de défendre là-bas ce procès historique, souvenez-vous qu'il y a des heures où la défense exige le courage d'accuser. Aurez-vous ce courage? Je voudrais l'espérer. Plus le péril est grand, plus est impérieux le devoir de l'avocat. Si vous ne l'osez pas, si vous hésitez devant cette tâche, renoncez, accrochez au vestiaire notre robe sévère. Allez chercher à l'office la livrée des valets, aussi bien est-ce ailleurs, devant l'opinion universelle que se jugera ce procès. Moi, j'ai fait ma démonstration. J'accuse Göring, le criminel, l'assassin, l'incendiaire du Reichstag. Göring, c'est toi! Voilà, nous étions en 1933, au moins c'est très clair. Non, mais ça veut dire que les débats sont toujours là. Hélène Camarade, ce que l'on peut dire, et ça de manière certaine, c'est que cet incendie, sans avoir la preuve absolue si ce sont les communistes, comme le disent les nazis, ou si ce sont les nazis, c'est pour Hitler une occasion. Il saisit l'occasion de faire quelque chose après l'incendie du Reichstag. Effectivement. Donc, dès le lendemain, le 28, une ordonnance est promulguée, l'ordonnance de l'incendie du Reichstag, et qui va suspendre les droits fondamentaux de la constitution de Weimar. Les droits n'étaient pas intangibles, malheureusement, dans cette constitution. Et donc, les droits fondamentaux sont suspendus et on bascule donc dans une dictature, puisque beaucoup de choses vont changer à ce moment-là. Et on va, comme on l'a dit déjà, persécuter, enfin arrêter massivement les communistes, les molester. Certains seront assassinés dans la foulée. Et on bascule dans une nouvelle phase, je dirais, de l'histoire de ce jeune gouvernement. Et que fait le président? Il y a un président au-dessus du chancelier. Ah bah oui, mais c'est Hindenburg. Bah oui, vous nous l'avez dit, il est monarchiste, donc lui, il ne va pas réagir du tout. Non. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de contre-pouvoir, en fait. Enfin, en tout cas, les contre-pouvoirs sont muselés dès le lendemain de l'incendie. C'est lui qui signe l'ordonnance. Oui, c'est le président qui signe l'ordonnance. Dans cette réflexion qu'on peut avoir sur ce moment-là, c'est l'opposition. Parce que, bien sûr, Hitler et tous ses partisans musellent toute forme d'opposition, mais on le sait bien, les oppositions sont présentes. Comment elles peuvent circuler encore à ce moment-là, dans ces mois de mars, avril 1933? Alors, les partis d'opposition vont avoir des stratégies différentes. Les communistes, donc, sont les ennemis désignés. Hein, donc, ils sont systématiquement, enfin, tout de suite mis sur la sellette. Donc, certains vont devoir s'enfuir dans la nuit, prévenus, parce qu'on est en train de... On sait qu'ils sont recherchés, ils vont être arrêtés. Donc, certains s'enfuient tout de suite. D'autres peuvent encore attendre un petit peu. Mais très vite, le Parti communiste va basculer dans la clandestinité. Pour ce qui est des sociodémocrates, alors les sociodémocrates auront une position un petit peu plus attentiste. Certains individus vont eux aussi partir très rapidement parce que recherchés, parce que ils ont été déjà désignés par le régime parce qu'elles s'en sont pris à un nazi, etc. Ou parce que, je pense à Toni Zender à Dresde, qui est attaquée par les nazis de sa circonscription, c'est une élue du KPD, pardon, du SPD, pardon, et elle va partir rapidement avant les autres. Elle est juive, elle est montrée du doigt. D'autres vont attendre un petit peu, attendre notamment la dissolution brutale et violente des syndicats. Qui vont marquer pour eux le moment où ils vont comprendre qu'il n'y a plus de possibilité de pactiser ou de exister légalement. Et donc les sociodémocrates vont alors aussi choisir la stratégie de l'exil et vont dans les mois qui suivent installer le parti social-démocrate en exil à Prague, et de Prague vont essayer de continuer à faire vivre le parti et à à rassembler les informations qu'ils vont éditer sous forme de compte-rendus, hein, les compte-rendus de la SOPAD, à l'aide donc d'un réseau d'informateurs qu'ils ont en Allemagne, des militants en fait moins menacés que les leaders, les cadres, etc. Parmi les opposants, il faut aussi, pour comprendre la configuration de ces années 30, comprendre qu'il y a énormément aussi de groupuscules et de petits partis socialistes qui sont soit en rupture de la social-démocratie, soit en rupture du Parti communiste. Et ce sont ces petits partis qui, finalement, vont passer à travers les mailles du filet quelques semaines de plus, hein, ou quelques mois de plus, et qui vont, eux, dans la clandestinité, essayer de s'organiser. Donc, on parle de petits partis, petits groupes de 500 militants, 300, 500, 1 millier, et qui, eux, vont essayer, enfin, qui s'étaient préparés à la clandestinité plus tôt, hein, notamment que le SPD, et qui vont, éditer des journaux clandestins, alors qu'ils tirent à quelques milliers d'exemplaires. Hein. Donc un journal, des fois on a juste une trentaine de numéros ou deux, trois numéros. Évidemment, beaucoup de tracts aussi distribués à cette période-là. Et donc effectivement, il y a une tentative, hein, dans chez les opposants combattre le national-socialisme, mais avec des outils dérisoires, hein, peut-on dire, aujourd'hui, puisque le KPD, au lendemain de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, le 30 janvier, hein, donc avant l'incendie de Reichstag, avait fait un appel à la grève générale qui n'a pas été du tout suivi. Certains sociodémocrates, je repense à Toni Zender, cette députée qui va aussi dire mais attention, ce qui se passe est très grave, etc., etc. Mais ces voix ne vont pas être entendues ou n'auront pas, et donc les mesures, hein, que prennent ces opposants sont dérisoires, des journaux clandestins, des tracts, il n'est plus possible en fait de combattre les nazis. Hélène Camarade, vous êtes l'autrice de Le Tract, Médias du pouvoir et des contre-pouvoirs, l'exemple de l'espace germanique, hein, du 15e au 20e siècle. Un temps très très long, publié au bord de l'eau. Agathe Bernimno, mais c'est vraiment ça. La République de Weimar ne disparaît pas. En soi, Hitler, et c'est cette importance de légalité que vous avez déjà soulignée, Hitler met en avant la légalité, c'est-à-dire que c'est les institutions, on va dire, qu'il adapte à ses besoins. Oui, puisque donc après donc l'incendie du Reichstag, on est en fait dans le moment de la campagne électorale en vue des élections législatives du 5 mars 1933. Alors cette campagne se déroule il y a une violence inouïe, en fait, vraiment une très grande violence politique qui est exercée principalement par la SA, qui perturbe et qui empêche les meetings des partis républicains, donc principalement du parti social-démocrate. Le KPD a été interdit par le décret de l'incendie du du Reichstag. Donc il y a à ce moment-là, en fait, le thème principal de la campagne du SPD, même du Parti libéral de gauche, c'est justement le danger nazi. Et c'est essayer de mettre en garde les électeurs sur ce qui va se passer si le parti nazi obtient la majorité des voix. Mais en fait, cette campagne se déroule dans des conditions tellement compliquées que en fait, l'élection du 5 mars 1933 n'est pas reconnue comme une élection démocratique. En fait. Ça a été trop perturbé. Dès le 5 mars, hein, c'est-à-dire oui. Nous sommes quelques jours après l'incendie oui. du Reichstag. Michael Gamrasny, c'est vraiment cette période-là aussi que vous l'étudiez à travers une enquête autour de l'incendie du Reichstag, quand la démocratie brûle. C'est le titre que vous avez donné à votre documentaire, Quand la démocratie brûle. Parce qu'on sent bien ici que c'est en l'espace de quelques jours que la démocratie vacille. Oui, c'est vraiment extrêmement rapide. Et si je peux rebondir sur ce qui vient d'être dit, ce qui est assez fascinant quand on voit les images aussi, c'est de constater que Hindenburg et Hitler, qui étaient quand même des opposants politiques lors de la campagne des élections présidentielles de l'été 1930, enfin d'avril 1932, se retrouvent sur la même affiche en 1933 pour les élections du 5 mars, avec un slogan qui s'appelle tout simplement le Reichstag en flamme. Donc ça devient véritablement un slogan de campagne, et vraiment l'utilisation vraiment immédiate de cet événement comme un prétexte politique est vraiment évidente. Et c'est vrai que très rapidement, chronologiquement parlant, on le voit dans les jours qui suivent, on a quand même vraiment, bon, évidemment, la loi sur les pleins pouvoirs qui va arriver extrêmement vite et qui suit l'inauguration du nouveau Reichstag. Donc il y a beaucoup de choses aussi qui sont liées directement à ce Reichstag qui a été incendié. L'inauguration du nouveau Reichstag, puis la loi sur les pleins pouvoirs, lors de cet événement où les députés vont donner les pleins pouvoirs à Hitler, Hitler lui-même fait un discours sur l'incendie du Reichstag. Il énonce aussi sa volonté de créer la première loi, enfin de faire son premier décret. Son premier décret, c'est la Lex van der Lubbe, c'est-à-dire une loi qui porte le nom de l'incendiaire du Reichstag, dont le but, ce décret, est tout simplement de mettre en place une loi une loi rétroactive, donc quelque chose de la négation de toute idée de justice, quoi, c'est-à-dire une loi qui permettrait tout simplement de condamner à mort des incendiaires au motif d'un incendie qui aurait été réalisé. Enfin, en fait, on les condamnerait pour une loi qui n'était pas existante au moment où ils ont commis le fait. Donc, on a vraiment quelque chose qui est consubstantiel entre l'incendie du Reichstag et cette prise de pouvoir par les nazis. Et c'est ce qui m'avait intéressé dès le début, puisque c'est vrai que quand on cherche souvent le démarrage d'Hitler, de l'arrivée au pouvoir d'Hitler, on va évidemment penser au 30 janvier 1933. Mais très vite, quand on réfléchit bien, ce n'est pas là le moment vraiment de la dictature. C'est pas du tout le moment de la dictature. Le moment de la dictature, c'est l'incendie du Reichstag. Cet événement-là, il est vraiment constitutif de quelque chose. À partir de là, se déroule vraiment une succession de choses. Les arrestations arbitraires, des gens qui sont mis dans les camps, les pleins pouvoirs, etc. Donc c'est vraiment cette succession-là qui m'a intéressé et qui est présente dans le film. Et puis, pour la loi du 23 mars 1933 qui accorde les pleins pouvoirs à Hitler, il ne faut pas oublier qu'il y a encore des députés dont certains, et ils ne sont pas nombreux, s'opposent. La séance est ouverte. Le délégué Wiltz a la parole, président du Parti social-démocrate. Le dernier a exercé librement le droit à la parole dans le Reichstag allemand. On peut nous enlever notre liberté et notre vie, mais pas notre honneur. Après tout ce temps de persécution qu'a vécu le Parti social-démocrate, personne ne pourra lui demander de voter pour la loi des pleins pouvoirs qui nous est présentée. Ces messieurs du Parti national-socialiste donnent le nom de Révolution nationale au mouvement qu'ils ont déchaîné. Et non celui de national-socialiste. Le rapport de cette révolution avec le socialisme se limite jusqu'à présent à la tentative de détruire le mouvement socialiste. Chronologie très fine, on le disait. Un 30 janvier, Hitler est nommé chancelier. Moins d'un mois plus tard, le Reichstag est incendié. On ne sait pas qui, mais quand même, il y a des forts soupçons pour se dire que c'est quelque chose d'organisé par les nazis. Et le 23 mars, ce sont les pleins pouvoirs avec quand même une voix qui s'oppose. Oui, donc le SPD est le seul groupe parlementaire à refuser la loi des pleins pouvoirs. Donc avant ce vote, le groupe parlementaire s'est réuni et il y a un débat vraiment très mouvementé, puisque une partie des députés ont peur, en fait, tout simplement, et se demandent ce qui va arriver aux membres du groupe parlementaire qui sont opposés. Mais la voix qui l'emporte, c'est l'idée du refus. Et il semble que les femmes social-démocrates, que les élus féminines étaient très déterminées à refuser justement cette loi des pleins pouvoirs. Et donc c'est Otto Wels, le président du groupe parlementaire, qui présente un discours qui justifie ce refus. Et ce discours, c'est un peu comme un testament de la République de Weimar, où il tire le bilan de la République. Il explique quel a été le projet du Parti social-démocrate avec cette République. Il affirme qu'il y a eu des avancées sociales importantes pour le peuple allemand. Il se démarque très nettement du Parti national-socialiste. Il explique, comme on l'a entendu, que le Parti national-socialiste n'a rien de socialiste. Et puis, il prononce cette phrase très célèbre « On peut prendre notre liberté et notre vie, mais pas notre honneur ». Et cette phrase, aujourd'hui, est affichée dans la salle de réunion du groupe parlementaire SPD à Berlin. Donc c'est véritablement la preuve que le SPD a résisté à la montée du nazisme et à la dictature. Otto Wels, ensuite, va entrer dans la clandestinité, comme la plupart, comme tous les sociodémocrates. Il sait qu'il prononce son dernier discours public à ce moment-là. Il dit « Nous saluons les amis dans le Reich ». Donc il sait qu'il est entendu. Il est enterré, donc il a été en exil en France. Il est enterré au cimetière de Châtenay-Malabry, dans le 92, et sa tombe est toujours fleurie. Voilà, il est mort en 1939. Et dans cette réflexion qu'on peut avoir sur ce qu'est la République en Allemagne, Agathe Bernier-Monod, vous avez écrit « Les fondateurs, reconstruire la République après le nazisme ». Dans ce moment-là, c'est vrai qu'il y a toujours ces effets générationnels, hein, ce temps très long. Il y a cette expérience ici qu'on voit d'une république qui dure assez longtemps, parce que c'est de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'on va dire en 1933. C'est aussi, j'imagine, un moment qui devient extrêmement symbolique sur la fin de la démocratie, la fragilité de la démocratie. Ce moment-là, c'est observé dans le monde entier. Hélène Camarade, comment c'est perçu, cette fin de démocratie en Allemagne? Je ne pense pas que les pays étrangers aient pris la mesure de ce qui se passe en Allemagne. Parce que c'est aussi la stratégie d'Hitler de gagner en crédibilité internationale. Et donc, il va jouer très finement aussi au cours de cette année 1933 pour crédibiliser son gouvernement et sa personne. Donc, je pense que ce discours de Wels a été entendu par les sociodémocrates allemands. Mais je ne suis même pas sûre qu'il ait été entendu par exemple les socialistes français à l'époque. Donc effectivement, l'opinion internationale ne prend pas la mesure ou très peu. On le voit parce que beaucoup d'intellectuels ou d'hommes et de femmes politiques allemands qui s'exilent ensuite, donc certains à Moscou, d'autres à Prague, d'autres dans les pays scandinaves, en Angleterre, en Suisse, en France. Alors pour la France, certains vont s'exprimer dans les médias français, dans les journaux français, parfois en français, pour inlassablement mettre en garde les opinions publiques internationales sur le danger que représente Hitler. Et ces voix ne seront pas entendues. Donc c'est très important sur cette année-là, cette stratégie hitlérienne, qu'il va d'ailleurs mener aussi avec grand succès vis-à-vis du Vatican, puisqu'il signe en juillet un concordat qui va crédibiliser le régime, enlever l'arbre sous le pied, couper l'arbre sous le pied aux catholiques allemands qui se disent, bon, même à fois si ce régime est reconnu par le Vatican. Donc voilà, au niveau international, il joue des cartes très fines. On peut aussi donner comme exemple sa façon de se comporter face à la population juive. Dans les premiers mois du régime, le parti a une stratégie de violence, de violence ouverte dans les rues. Donc on va avoir le boycott des magasins juifs le 1er avril. Il va y avoir vraiment une campagne anti-juive extrêmement violente, extrêmement grossière. Et cette campagne et ce boycott vont être critiqués par la presse internationale, par les gouvernements, etc. Et Hitler va changer de stratégie et va mettre en place une politique anti-juive beaucoup plus discrète, beaucoup plus subtile, et changer de stratégie sur la politique juive, anti-juive. Non, mais c'est vrai que ça entre dans ce que l'on évoquait sur ce procès des incendiaires ou de l'incendiaire du Reichstag, hein. Michael Gamarsny, c'est ça aussi, cette force, c'est de donner une image à l'international. Oui, c'est ça, en fait. Moi, ça m'a frappé assez vite et assez tôt de voir à quel point Hitler était soucieux de l'image du régime nazi à l'international. Et de fait, on parle du boycott des magasins juifs. C'est vrai que durant tout le mois de février-mars, on a des violences qui sont très fortes envers les juifs, qui semblent incontrôlées de la part des SA, qui sont vraiment, vraiment très importantes. Et d'une certaine manière, ce boycott des magasins qui est mis en place vise en fait à canaliser ces violences. Mais c'est aussi une forme de réponse explicite qui est formulée par Goebbels pour justement s'attaquer à la presse juive internationale, comme il le dit. Et cette presse juive internationale, en fait, c'est notamment celle, selon lui, donc, qui attaque les nazis en les accusant d'être responsables de cet incendie du Reichstag et des arrestations qui ont suivi. Donc il y a vraiment ce va-et-vient qui existe. Et ensuite, au moment du procès des incendiaires du Reichstag, on a une très très forte médiatisation. Et cette médiatisation, c'est 124 journalistes qui sont présents dans la salle du procès et c'est 82 correspondants étrangers qui sont accrédités par les nazis. Donc leur rôle est vraiment là de permettre aussi... Enfin, les nazis veulent donner une apparence de transparence et donner l'impression, disons, au monde que ce procès va être juste, que ce procès va être vraiment légitime, alors qu'à la fin, il n'en est pas vraiment question. On voit bien, grâce à ce que vous nous apportez en analyse, tous les trois, combien c'est un moment... un nœud dans cette histoire-là, avec des conséquences, mais on le sent bien, parce qu'on le sait aujourd'hui, qui ont une portée, mais à ce moment-là, c'est encore inimaginable. Merci vraiment beaucoup à tous les trois. Hein. Donc, Agathe Bernier-Monod, grâce à vous, on va reconstruire la République après le nazisme. Hein. Ce sont les fondateurs. Merci beaucoup, Hélène Camarade, avec le tract, parce qu'il y a de l'opposition, et il faut le dire, dans ce monde allemand. Et merci aussi, Michael Gamarsny, l'incendie du Reichstag, quand la démocratie brûle. C'est votre très beau film documentaire diffusé sur Arte, à voir sur Arte TV. Merci à toutes les trois, comme ça, le féminin l'emporte. Et on retrouve Gérard Noiriel tout de suite avec le pourquoi du comment. Comment Napoléon a combattu les races dégénérées? Vous vous souvenez peut-être que dans son roman satirique intitulé « La ferme des animaux », George Orwell a choisi de prénommer Napoléon le cochon qui, dans cette fiction, avait pris le pouvoir. Orwell ne savait sans doute pas que cette critique ironique des pratiques autoritaires de notre empereur aurait pu être lue comme une sorte d'hommage involontaire. Napoléon Ier a joué, en effet, un rôle essentiel dans la mise en place de ce que les historiens appellent la politique de l'animal domestique. En guerre contre la plupart des autres puissances européennes, il souhaitait que la France soit capable de produire toutes les ressources dont elle avait besoin dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Les agronomes et les vétérinaires les plus éminents de l'époque furent donc invités à rejoindre le bureau de l'agriculture, qui dépendait alors du ministère de l'Intérieur, pour trouver des moyens de stimuler la production nationale. Ces experts furent unanimes pour affirmer qu'en matière d'élevage, le retard de la France s'expliquait parce que les races indigènes étaient toutes dégénérées. Preuve que la science est parfois contaminée par l'idéologie, le thème de la dégénérescence avait été fabriqué par les élites révolutionnaires. Leur but était en effet de régénérer le peuple français aliéné par plus de 1000 ans de pouvoir monarchique. Après les citoyens, il fallait donc régénérer les races animales. Les experts se focalisèrent sur le mouton, car on avait constaté depuis longtemps que les espèces ovines élevées en France ne donnaient que des laines grossières et en petite quantité. Ce qui obligeait les fabricants de draps de qualité à importer les laines superfines des mérinos d'Espagne. Sous le directoire et le consulat, la recherche scientifique devint une affaire d'État. Les expérimentations visant à régénérer la race ovine débutèrent dans une ferme que Louis XVI avait acquise en 1785 et qui devint la Bergerie nationale de Rambouillet. Plusieurs structures du même type furent inaugurées dans d'autres régions de France au cours de cette période. Les résultats de ces travaux, diffusés dans la littérature agronomique, alimentèrent les instructions officielles du gouvernement.